quel intérêt pour un fournisseur d'énergie d'inciter ses clients à consommer moins ? L'intérêt général. Chez Plume Énergie, nous savons qu'il est urgent d'accélérer la décroissance énergétique. Alors, nous faisons tout pour que nos clients dépensent le moins possible notre énergie, pourtant 100% verte et 100% française. La décroissance énergétique, pour certains, c'est le monde à l'envers. Pour nous, c'est le monde de demain. Plume Énergie. Verte, locale, d'intérêt général. L'énergie est notre avenir, économisons-la, vraiment. Le réel est aujourd'hui décrit par deux jeux de théories extrêmement solides. La relativité générale, qui décrit l'espace-temps en quatre dimensions et l'influence de la gravitation, et la mécanique quantique, qui décrit les interactions de l'infiniment petit au niveau atomique. Mais si ces deux théories fonctionnent remarquablement bien indépendamment l'une de l'autre, pourquoi les lois de l'univers passent-elles de l'une à l'autre au changement d'échelle ? Que se passe-t-il vraiment en physique quantique lorsque l'on observe un système et que l'on fixe ainsi la réalité ? Lorsque le paquet d'ondes se réduit et adopte un état déterminé, la réalité est-elle fonction de l'observateur ? Chérie, j'ai réduit le paquet d'ondes, c'est le programme de taille qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tâcher de comprendre ce qui est en jeu dans cette réduction de la fonction d'onde et comment il est intelligible de changer de socle théorique en même temps que l'on change d'échelle, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Alexia Aufèvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS à l'Institut Néel de Grenoble et nous sommes en ligne également avec Michel Bidbol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS en philosophie des sciences aux archives Husserl de l'École normale supérieure. Mais on commence par celle qui ne réduit rien, mais au contraire, qui étend chaque jour l'actualité scientifique, jour après jour. C'est Natacha Retriou pour le Journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec les 6 études parues dans la revue Science et Science Advances. Il y a bien eu de l'eau liquide sur l'astéroïde Bennu. Oui, depuis bientôt 2 ans, la sonde de la NASA Osiris-Rex observe Bennu sous toutes ses coutures. Grâce à ces études, nous en savons plus sur la composition de l'astéroïde qui se révèle plus complexe que prévu. L'analyse spectrale dans l'infrarouge et le proche infrarouge confirment la présence de minéraux hydratés et de composés organiques sur toute sa surface. De plus, les analyses révèlent des veines brillantes de minéraux carbonatés d'un mètre de long et épaisses de quelques centimètres. En d'autres mots, ce serait la preuve que de l'eau a coulé autrefois sur ces rochers. Dans quelques jours, un échantillon de Bennu sera prélevé pour revenir sur Terre en 2024. On va ainsi pouvoir analyser ces roches avec des instruments plus précis. La mission d'Osiris-Rex est d'ores et déjà qualifiée de triomphe scientifique majeur. Antonella Barucci est chercheuse et paléontologue à l'Observatoire de Paris. La chose importante, c'est pas lié qu'à Bennu lui-même, mais après, pour les transmettre à toute la population des astéroïdes. Donc avec tous ces détails sur l'astéroïde Bennu, très important, on va les appliquer après à toute la population des astéroïdes de la ceinture des astéroïdes entre Mars et Jupiter, en particulier sur les NIRS, qui sont les astéroïdes appelés les géocruiseurs, qui passent le proche à la Terre. Bah, la grande surprise, c'est d'abord qu'il y a ce matériel organique. Donc, Bennu, c'est un objet primitif du système solaire, donc très important, comprendre sa composition, parce qu'avec la composition de Bennu, on peut comprendre la composition de l'origine du système solaire. Mais la chose incroyable, c'est le contenu des matières organiques, des carbonates, et donc des matériaux hydratés, qui implique qu'il y avait l'eau à l'état liquide aussi sur la surface de Bennu. Et donc là, il y a tous les problèmes de l'origine de la vie sur Terre, qui a porté l'eau sur Terre, qui a porté les premières molécules importantes pour l'origine de la vie, etc. Voilà, et la source de cette étude dans Science, vous pouvez la retrouver sur notre fil Twitter, @lamethodefc, ainsi que sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Une étude parue également dans Science at 26 vient de déterminer la vitesse maximale du son. Et depuis 1905, on sait avec Einstein et sa théorie de la relativité restreinte que la limite de vitesse de tout type d'onde qui traverse le vide, dont la lumière, est de 300 000 km par seconde. Mais quelles sont les limites pour les ondes sonores lorsqu'elles se déplacent à travers un solide ou un liquide? Selon ce qu'il traverse, le son se déplace à des vitesses différentes. Sa vitesse dépend de la densité d'un matériau et de la manière dont les atomes qu'il contient sont liés entre eux. Une équipe internationale de physiciens vient de calculer cette limite pour la première fois. Selon leurs calculs, la vitesse maximale du son dans un liquide ou un solide est d'environ 36 km par seconde. Selon le rapport annuel de l'Agence spatiale européenne, le problème des débris spatiaux s'aggrave. Et selon ce rapport, l'utilisation durable de l'espace pour la science et les technologies est à présent menacée. Nous serions entrés dans un cercle vicieux. Plus de débris spatiaux, cela veut dire plus de risques de collision qui engendrent même des milliers de petits débris supplémentaires, etc., etc. Aux vitesses orbitales, même les plus infimes débris peuvent endommager un satellite opérationnel. Le rapport pointe un autre facteur explosif, les explosions liées au carburant stocké dans les engins obsolètes. L'ESA propose également des solutions dans ce rapport, des orbites cimetières ou des remorqueurs spatiaux. L'agence appelle les entreprises et les nations à considérer plus sérieusement ce problème. Et enfin, une étude parue dans la revue Dreaming a examiné comment la pandémie a affecté nos rêves. Et grâce à une enquête en ligne, des chercheurs américains ont recueilli les rêves de près de 3000 rêveurs. Un programme d'analyse de texte et de décompte des mots a permis de faire apparaître 9 catégories d'émotions et de préoccupations. L'étude montre que les femmes ont eu beaucoup moins d'émotions positives dans leurs rêves que les hommes. Elles ont également connu beaucoup plus d'anxiété, de tristesse, de colère et de rêves liés à la santé et à la mort qu'avant le début de la crise. En revanche, les rêves chez la gente masculine semblent avoir été moins perturbés, moins d'émotions négatives, moins de rêves de tristesse, de colère ou de cauchemars liés à la mort que chez les femmes. Voilà, merci beaucoup Natacha. Le dormeur doit se réveiller, enfin pas en 2020, ça fait déjà beaucoup. On vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Allez, dans les années 20, au moment du développement progressif des axiomes de la physique quantique, la conception de l'infiniment petit subit une révolution. Tout d'abord, la matière n'est plus seulement corpusculaire, elle se comporte également comme une onde, de la même façon que la lumière, et puisqu'elle est à la fois onde et corpuscule, il devient impossible de mesurer de manière exacte à la fois sa position et sa vitesse. C'est le principe d'incertitude qui va conduire au concept de réduction de la fonction d'onde, à savoir que c'est en mesurant l'état d'un système que son observateur le fixe. Avant la mesure, il est impossible de savoir dans quel état se trouve ce système, mais une fois qu'il est mesuré, il est en quelque sorte figé dans cet état précis et permanent. C'est la réduction de la fonction d'onde qui procède d'une certaine manière du passage du microscopique au macroscopique. Cette décohérence qui pousse la matière à être déterminée lorsqu'elle est agrégée et ne répond plus aux lois de la physique quantique, mais à celle de la relativité générale. Mais comment comprendre cette réduction de la fonction d'onde? Et pourquoi les lois de la physique changent-elles avec l'échelle? Voilà des questions qui n'appellent pas que des réponses scientifiques. Écoutez ce qu'en dit Louis de Broglie en 1955 quant à sa querelle dans les années 20 avec le père de la relativité générale, Albert Einstein. En attirant l'attention sur les idées nouvelles de la mécanique ondulatoire, le mémoire de M. Einstein a certainement beaucoup contribué à hâter le développement de cette science nouvelle. Entre 1924 et 1928, les nouvelles théories quantiques, mécanique ondulatoire et mécanique quantique, prirent rapidement un grand essor, grâce surtout aux travaux de messieurs Heisenberg, Born, Schrödinger et Dirac. En 1927, Heisenberg fit connaître ses relations d'incertitude. Son travail, joint aux pénétrantes analyses de Bohr, a conduit alors à une interprétation physique de la nouvelle mécanique où la notion de probabilité joue un rôle primordial. Et qui, abandonnant les idées les plus chères à la physique classique, cesse d'attribuer constamment une position et une vitesse aux particules de l'échelle atomique et renonce à imposer un déterminisme rigoureux à la succession de leurs manifestations observables. Einstein, comme certains des physiciens de sa génération et des générations antérieures, n'a jamais admis entièrement, semble-t-il, les idées nouvelles de Bohr et de Heisenberg. Déjà, au Conseil Solvay d'octobre 1927, il leur opposait de sérieuses objections. Et quelques années plus tard, dans un mémoire écrit avec M. Podolsky-Rosen, il exposait les difficultés que l'interprétation probabiliste actuelle de la mécanique quantique lui paraissait soulever. Aux objections d'Einstein, divers physiciens, notamment M. Bohr, ont fait de subtiles réponses. Il semble bien qu'aujourd'hui, la presque unanimité des physiciens théoriciens soit d'accord pour admettre l'interprétation de Bohr et Heisenberg qui leur paraît la seule compatible avec l'ensemble des faits connus. Et cependant, le débat reste ouvert. L'avenir dira si l'interprétation purement probabiliste de la physique quantique est vraiment la seule possible, ou si le regard du grand visionnaire de la relativité et des quantas de lumière a été plus perçant que celui de ses contradicteurs quand il a affirmé sans se lasser le caractère incomplet et provisoire de cette interprétation. Voilà la voix de Louis de Broglie en 1955 et cette querelle, hein, cette interminable querelle scientifique entre les quanticiens et Albert Einstein et sa relativité générale. Une réaction peut-être simplement, Michel Bitbol, à cette archive. Oui, écoutez, c'est magnifique. En fait, Louis de Broglie a résumé l'ensemble du débat en donnant son opinion, c'est-à-dire qu'il a considéré que Einstein avait vu juste en considérant que la mécanique quantique est incomplète, contre l'opinion des principaux créateurs de la mécanique quantique elle-même, à savoir Werner Heisenberg et Niels Bohr, ainsi que d'ailleurs que Erwin Schrödinger dans un autre registre. Donc c'est une opinion, c'est l'opinion de Louis de Broglie, et bien entendu entre 1955 et 2020, il s'est passé beaucoup de choses. Et un certain nombre de des idées de ce débat ont été mises à l'épreuve. Et c'est sans doute de ça qu'on va parler aujourd'hui. Absolument. Alexia Hoffet, votre réaction à cette archive, à cette voix de Louis de Broglie en 55? Le même assessment que Michel Bitbol, c'est magnifique d'entendre ça une centaine d'années après. Et effectivement, à l'époque, Louis de Broglie formulait une opinion. Et tout ce qui va se dérouler dans les années qui ont suivi, c'est de transformer un débat qui était d'une certaine façon un débat métaphysique, où on ne pouvait pas tester, prouver ou falsifier, pour reprendre les termes de Popper, une vision du monde contre une autre vision du monde. Et puis il y a eu les inégalités de Bell qui ont permis de donner un critère mathématique pour distinguer les deux visions du monde portées respectivement par Einstein et par Bohr. Et ces inégalités de Bell ont été violées et ont montré finalement que, bah oui, la mécanique quantique est complète et Bohr avait raison. Voilà. C'est intéressant parce que effectivement, ce débat, et on va revenir sur les différents points précis qui permettent aujourd'hui aux physiciens de passer ou de ne pas passer, ou les impasses d'ailleurs qu'il peut y avoir, ou les apories entre la physique quantique et la physique dite classique, ou en tout cas la relativité générale. Mais le débat qu'il y a finalement derrière cette conception, c'est ce que vient de dire Alexia Hoffet, c'est-à-dire que finalement aujourd'hui c'est la nature même de la réalité. C'est un débat qui est largement plus large et plus grand, plus vaste que ce que seule la physique peut en dire. Et c'est un débat qui pour le moment n'est pas tranché, puisqu'il pose effectivement, qu'il bute devant la question de la réfutabilité popperienne. Le débat de la vision du monde portée par Einstein versus Bohr, j'ai envie de dire que ce débat-là, qui portait essentiellement sur la complétude de la mécanique quantique et la nécessité de la compléter avec des variables cachées, donc je pense, oui, que ça, on va avoir l'occasion d'en discuter pendant l'heure qui vient. Ce débat-là, maintenant, il est tranché. C'est la violation des inégalités de Bell, notamment par Alain Aspect, dans les années 82, qui a permis de passer à l'étape suivante. Maintenant, effectivement, ce qui reste sur la table, c'est, un, du point de vue philosophique, comprendre quelle est la nature de la réalité quantique, à quelle nature très biscornue on a affaire. Et deux, du point de vue théorie physique, c'est réunir effectivement la théorie quantique et la relativité générale. Mais la relativité générale, ce n'était pas un problème, je pense, à l'époque où Einstein et Bohr argumentaient. C'était plus sur la nature du hasard et sur la complétude, encore une fois, de la théorie quantique. Michel Bitbol, à ce propos? Oui, alors effectivement, je suis à peu près entièrement d'accord avec Alexia Hoffet. Simplement, il faut quand même noter que le débat n'est pas totalement tranché, à mon sens. C'est-à-dire qu'il y a quelques personnes, peut-être pas très nombreuses encore dans le monde, qui soutiennent l'idée d'une théorie à variables cachées, en soulignant bien entendu que ces variables cachées sont non locales. Donc il y a encore du débat, c'est encore très chaud, toute cette histoire. Et je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin dans notre discussion pour montrer en quoi, finalement, le débat est encore aussi beau et aussi vivant. Absolument. On va revenir là-dessus pour les auditrices et les auditeurs bien comprendre de quoi il s'agit, quelles sont ces variables cachées que souhaitait Einstein et qui ont été réfutées a priori, ou a posteriori même d'ailleurs, par Alain Aspect dans les années 80. On va reposer un peu tous les termes de ce débat pour bien en comprendre les tenants et les aboutissants. Et puis ensuite, on va essayer de l'étendre à comprendre exactement quelle serait, quelle peut être la nature de la réalité. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15 sur France Culture, nous parlons aujourd'hui de la réduction de la fonction d'onde et plus généralement, nous allons tenter d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que, eh bien, il y a deux physiques qui s'appliquent en fonction de l'échelle à laquelle on regarde le réel, microscopique ou macroscopique. Nous en parlons avec Alexia Ofèvre et Michel Bidbol. Peut-être qu'on peut commencer, Alexia Ofèvre, par rappeler peut-être simplement ce qu'est la fonction d'onde, de quoi on parle exactement. De quoi on parle avec la fonction d'onde? Alors déjà, je voudrais dire que c'est une terminologie qui est peut-être un peu spécifique. Typiquement, c'est un concept qui a émergé. Donc là, Michel Bidbol pourra être d'accord ou pas. C'est un concept qui a émergé dans les années 20, hein, et qui était finalement l'idée qu'une particule, si on pense par exemple à l'expérience bien connue des Fan de Jung, c'est un exemple qui va être sympa à garder tout le long du débat. Pour les Fan de Jung, donc on imagine une source de lumière, une source de photons, qui sont des grains de lumière, et cette source arrose un premier écran qui est percé de deux fentes, qui dessine deux chemins possibles pour les photons qui sont émis par la source, et ensuite on positionne un deuxième écran loin derrière le premier, sur lequel les photons vont venir s'impacter. Et si les deux fentes sont ouvertes, ce qu'on constate, c'est qu'on a une magnifique frange d'interférence qui apparaît sur l'écran. Et cette frange d'interférence, en fait, si on pense aux photons en termes d'une petite particule qui doit choisir entre passer par la fente du haut ou passer par la fente du bas, la frange d'interférence est extrêmement contre-intuitive puisqu'elle parle plutôt en faveur d'un comportement ondulatoire du photon. Et donc l'état du photon entre le moment où il est émis et le moment où il vient impacter le deuxième écran, il n'est pas décrit par des probabilités classiques où finalement le photon va être forcé par passer par la fente du haut ou par la fente du bas. La frange d'interférence, elle nous dit qu'en fait le photon passe par les deux fentes à la fois, ou en tout cas c'est la façon dont le débat est posé dans les livres qui introduisent la mécanique quantique. Donc le sens de la fonction d'onde, c'est ça, c'est qu'on peut avoir une particule qui peut se trouver à plusieurs endroits dans l'espace, et ce plusieurs endroits dans l'espace, on ne peut pas le comprendre comme étant soit ici, soit là, soit encore là, mais à la fois ici, là et là-bas. Ça, on va vous mettre une petite représentation, hein, de ces fentes de Jung, histoire que vous le voyez, vous qui êtes en train de nous écouter. Ce qui est intéressant, Michel Bidbol, c'est que ce qui est vrai pour les photons, c'est la nature ondulatoire et corpusculaire des photons, va être avéré également pour la matière. Oui, exactement. D'ailleurs, je pense que pour vous faire comprendre la signification de la fonction d'onde, le mieux que c'est que je remonte à l'histoire. L'histoire qui commence bien avant la mécanique quantique et la relativité au 19e siècle, où on admettait qu'il y avait deux sortes de réalités, la réalité des ondes électromagnétiques, donc ondulatoires, et la réalité de la matière qui était faite de particules. Et puis Einstein, en 1905, a considéré que cette lumière, qui jusque-là était décrite comme une onde, devait en fait se voir associée à un petit corpuscule qu'il appelait justement un quantum de lumière, ou plus tard un photon. Donc il a associé un corpuscule à l'onde électromagnétique. Et puis, un peu plus tard, Louis de Broglie dit que certaines expériences ne peuvent s'expliquer que si on fait exactement le contraire, c'est-à-dire si on associe systématiquement une onde au corpuscule de matière. Donc vous voyez, un corpuscule de lumière est associé à l'onde de lumière, et puis un petit peu plus tard, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'une onde de matière est associée au corpuscule de matière. C'est Louis de Broglie. Donc pour Louis de Broglie, l'onde effectivement de matière était une réalité, mais une réalité qui coexistait avec la réalité du corpuscule. Un peu plus tard, Schrödinger balaye complètement l'idée qu'il y a un corpuscule et ne retient plus que les ondes. Et le corpuscule, pour lui, c'est juste une manière de décrire des événements localisés qui sont décrits, selon lui, qui devraient se décrire par une sorte de concrétion des ondes, de paquets d'ondes. Et finalement, en 1926, vous avez Max Born qui dit Ces ondes ne sont ni une réalité partielle, ni toute la réalité, ni une réalité partielle, comme le disait Louis de Broglie, ni toute la réalité, comme le pensait Schrödinger. C'est simplement un outil de calcul des probabilités de trouver un corpuscule en un point. Mmh. Donc, vous voyez, il y a trois significations qui se succèdent dans l'histoire au sujet de la fonction d'onde. Et c'est Born, effectivement, Alexis Lefebvre, on va essayer d'avancer un peu. Ce qui est intéressant, c'est que on arrive finalement à cette compréhension qui est, alors on pourrait le préciser, mais la compréhension aujourd'hui contemporaine qui fait consensus, qui est qu'effectivement, il y a donc pour tout élément de matière une fonction d'onde, c'est-à-dire finalement un état indéterminé qui finira par se déterminer au moment de la mesure, mais qu'on ne peut pas déterminer parce que il y a le principe d'indétermination tant qu'on ne l'a pas mesuré. Tout à fait. Et en fait, puisqu'on prend l'accélérateur dans l'histoire là et qu'on quitte les années 20 pour arriver au temps qui court, et c'est ce que je voulais dire au début de mon intervention tout à l'heure, la notion de fonction d'onde, elle peut être remplacée parce que en fait, elle présuppose que il y a une base privilégiée d'observation qui serait celle de la position ou celle de la quantité de mouvement, qui effectivement était le paradigme de la physique dans les années 20, où elle était encore toute pétrie de mécanique analytique et de mécanique classique. Mais maintenant, en fait, les objets quantiques avec lesquels on joue, ce n'est pas nécessairement des particules qui évoluent dans un espace tridimensionnel. Notamment, on a, par exemple, l'explosion des technologies quantiques à l'heure actuelle, où les objets avec lesquels on va jouer, ça va être des qubits. Mmh. Et du coup, une base privilégiée de l'espace des états qu'on va considérer, ça va pas être la position, mais ça va être 0 ou 1, ou 0 et 1 à la fois. Vous faites bien en parler, parce que ce sera l'objet de notre reportage dans une dizaine de minutes. Donc on va voir comment on applique justement cette réduction de la fonction d'onde à l'informatique quantique. Mais donc ce que je veux dire, c'est que voilà, la fonction d'onde, ça charrie un peu cette idée qu'on va chercher la position. C'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste que ça, en fait. Mmh. Maintenant, on a tout type d'espace de Hilbert possible. Mmh. Mais Michel Bidbol, peut-être un mot pour qu'on comprenne bien aujourd'hui la façon dont on conçoit justement la nature des particules et quel est le lien qu'il peut y avoir aujourd'hui entre une particule et une personne qui va chercher à en déterminer soit la vitesse, soit la position. Alors, la conception actuelle des particules est formidablement ouverte, c'est-à-dire qu'on ne se représente déjà entièrement plus une particule comme un petit corps, toujours localisé, possédant une trajectoire à chaque instant, individuel et réidentifiable. Ça, on ne le fait plus, mais par contre, peut-être l'une des plus belles conceptions actuelles des particules et l'une des plus riches et des plus fécondes, c'est celle qui est mise en avant par la théorie quantique des champs. C'est-à-dire que pour la théorie quantique des champs, une particule, comme je vous le disais, n'est pas un objet continu, durable, mais c'est un niveau d'excitation momentané pour un champ sous-jacent. Il y aura un champ électromagnétique qui va avoir des niveaux d'excitation, et selon le nombre de niveaux d'excitation qui vont être présents, eh bien, on dira qu'il y a un nombre équivalent de photons dans la cavité qu'on explore. Donc, vous voyez, la conception actuelle des particules est remarquablement neuve par rapport à celle qui avait existé au temps de la physique classique. Parfois, on dit que, en vérité, une particule n'est jamais qu'une quasi-particule, c'est-à-dire que ça se comporte comme des niveaux d'excitation d'un milieu, par exemple d'un milieu cristallin. Et d'autres personnes, que je me rappelle, je connaissais un physicien des particules, qui me disait, vous savez, notre discipline est une drôle de discipline, puisqu'elle porte le nom d'un objet qui n'existe pas au sens habituel du terme. Mmh. La particule n'est plus ce qu'elle était, plus du tout. Et alors, du coup, pour en arriver à notre sujet du jour, comment est-ce que vous définiriez l'un et l'autre, peut-être on commence par Alexia Lefebvre, ce dont on parle exactement quand on parle de réduction ou d'effondrement du paquet d'ondes? Alexia Lefebvre. Alors, la réduction du paquet d'ondes, donc si on reste avec la terminologie fonction d'onde, mais on va le faire parce que c'est le titre de l'émission, donc je ne vais pas mettre le hasard dans l'histoire. Allez, allons-y, on va commencer comme ça, on va essayer de simplifier un peu et puis on pourra entrer dans le détail après. Voilà, la réduction du paquet d'ondes, c'est simplement, si on revient à l'expérience des fentes d'ondes, par exemple, où je vous disais qu'on avait ces deux fentes ouvertes et qui donne ensuite, et dont les photons qui traversent ces deux fentes vont ensuite donner une figure d'interférence sur l'écran, on peut s'amuser à faire l'expérience de essayer de mesurer par quelle fente le photon est passé. Et donc, je peux disposer, même pas nécessairement un observateur, ça c'est un point sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne après, on n'a pas nécessairement besoin d'un observateur pour faire le job. Il suffit d'un appareil de mesure ou un dispositif qui va encoder de l'information, qui mesure par quelle fente le photon est passé. Et à ce moment-là, ce qu'on constate, c'est que même si le photon n'est pas détruit lors de la mesure, la figure d'interférence qui était sur l'écran va disparaître. Ben, c'est ça, la réduction du paquet d'ondes, c'est finalement imposer une mesure le long du chemin du photon. Ce faisant, je vais localiser le photon, je vais savoir par quelle fente il passe et je vais revenir à une description, on va dire, classique des probabilités à terme. Sur mon écran, je vais avoir juste l'image des deux fentes et je n'aurai plus de figure d'interférence. Non, c'est ça. Si on devait le reformuler, Michel Bidball, et je vais vous laisser en donner votre propre définition, la réduction du paquet d'ondes, c'est en fait partir du principe que en physique quantique, l'état observé à un moment donné ne préexiste pas à la mesure. C'est la mesure qui va le relocaliser, qui va donner finalement une approche classique à une particule qui était autrefois ou avant, quand on ne l'observait pas quantifiée. Alors effectivement, évidemment, j'adhère totalement à ce que vient de dire Alexia Ofèvre. Je pourrais donner un autre exemple, bien sûr. celui d'un photon qui arrive à une interface R-vert, c'est-à-dire un miroir, mais un miroir semi-réfléchissant. Et une fois sur deux, le photon est réfléchi, et une fois sur deux, il traverse la plaque de verre. Bon, voilà une expérience simple d'optique que tout le monde peut faire. Mais le point, c'est que en physique quantique, il peut arriver que deux choses. Soit le photon, effectivement, est réfléchi, soit il passe à travers. Si maintenant, vous mettez un appareil de mesure derrière la plaque de verre, et que la plaque de verre ne mesure aucun photon qui a traversé cette plaque de verre, eh bien, tout à coup, on peut dire avec certitude que le photon a été réfléchi. Donc, alors qu'il était, si vous voulez, jusque-là, dans un état de superposition, dans un état d'indétermination entre être réfléchi ou être transmis, eh bien, à partir du moment où vous avez observé qu'il n'y a rien de l'autre côté de la plaque de verre, alors vous savez à coup sûr que le photon n'a pu qu'être réfléchi. Et il est maintenant dans un état déterminé, être réfléchi. Donc la question, on va le voir d'ailleurs, la question qu'on se pose à partir de là, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelque chose d'extraordinaire s'est passé dans le monde simplement parce qu'on a observé quelque chose, c'est-à-dire l'absence de photons de l'autre côté de la plaque de verre, ou est-ce que c'est nos connaissances de la position du photon qui ont changé brusquement avec la prise de connaissance du résultat de la mesure faite par l'appareil qu'on a mis en place. Donc c'est une des grandes questions qui se posent à propos de la réduction de la fonction d'onde. Ou plus généralement, la réalité est-elle déterminée par l'observateur ou est-elle ou précède-t-elle l'observation? Est-ce que c'est l'observateur qui influe sur le réel ou est-ce que la réalité existe sans la nécessité d'un observateur? On va revenir à ces questions-là un peu plus générales. Peut-être que on peut poser cette question Alexia Ofèvre, c'est que quelle est la différence, qu'est-ce qu'on entend à ce moment-là entre ce que l'on vient d'expliquer, c'est-à-dire la réduction du paquet d'ondes par la mesure d'un observateur et par les phénomènes qu'on appelle la décohérence quantique? Alors, j'aurais envie de dire, distinguer deux types d'expériences, les deux basées sur le... Je vais garder mon interféromètre défendu, il est sympa, on peut faire plein de physique avec. Okay. Dans ce que je viens d'expliquer, donc, où j'ai dit, si j'observe par quelle fente le photon est passé, et si j'enregistre le résultat de la mesure et si je le lis, j'opère une réduction du paquet d'ondes. C'est-à-dire, dans la moitié des cas, je vais détecter que mon photon est passé par la fente du haut. Dans la moitié des cas, je vais détecter que mon photon est passé par la pente du bas, par la fente du bas. Et je vais avoir donc mes images de fente sans interférence sur l'écran lointain. Ça, c'est une réduction du paquet d'ondes parce qu'on lit le résultat de la mesure. La décohérence, on peut voir ça comme une mesure qui est incontrôlée. En fait, c'est une information qui va fuir dans l'environnement de façon incontrôlée et qui va aboutir au même résultat, c'est-à-dire l'effacement des franges d'interférence sur l'écran. Mais personne n'est là pour enregistrer le résultat. Donc la détermination de la particule ou du photon, en tout cas. Ça aboutit Exactement. Au même à la même conclusion. Ouais, que la mesure soit lue ou pas lue, ça aboutit à la destruction de la figure d'interférence sur l'écran lointain. Et si je prends mon autre terrain de jeu que j'aime bien, qui est l'information quantique, cette décohérence, c'est une catastrophe parce que ça ruine les figures d'interférence sur lesquelles sont fondées la puissance du calcul quantique et les accélérations quantiques qu'on observe. Donc la décohérence, c'est quelque chose de pas bien. Voilà, dans cette perspective-là, et c'est provoqué par des mesures incontrôlées de l'environnement autour des qubits ou autour des photons. En informatique quantique, on peut dire, et peut-être même plus généralement, que la décohérence, Michel Bitbol, je vous laissais confirmer ou infirmer ça, c'est la perte finalement de la nature particule, de la fonction d'onde de la particule, mais non souhaitée, non désirée par un observateur. Disons que c'est la perte de la partie ondulatoire de son c'est comportement. Ça. Mmh. C'est-à-dire, c'est exactement ce qu'a expliqué Alexia Ofev. C'est-à-dire que, par exemple, si vous mettez un appareil de mesure au voisinage de l'une des deux fentes d'onde, ce qui va se passer, c'est que même si vous ne lisez pas le résultat qui a été obtenu par l'appareil de mesure, la figure d'interférence va être détruite. Ça, c'est la décohérence. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut dire, à partir du moment où un appareil a opéré, que le photon est passé soit par une fente, soit par l'autre, mais pas les deux à la fois. Alors que avant, quand l'appareil de mesure n'était pas en place, tout se passait comme si le photon passait par les deux fentes à la fois. Bon, maintenant, si je lis le résultat qui a été enregistré sur l'appareil de mesure, qu'est-ce qui se passe? Non seulement je sais que le photon est passé soit par la fente du bas, soit par la fente du haut, mais en plus, maintenant, je sais très précisément que le photon est passé, disons, par la fente du haut. Et là, c'est ça la véritable réduction de la fonction d'onde. C'est pas seulement la perte de la cohérence, la perte de l'effet d'interférence entre les deux, c'est le fait de savoir précisément et l'un des deux résultats et d'en tenir compte pour l'avenir. Et on va comprendre, on va essayer de comprendre maintenant qu'on a fait eh bien le tour un peu de cette réduction de la fonction d'onde ou du paquet d'ondes ou de la décohérence, et eh bien comment, et eh bien à partir d'un moment, et notamment quand on n'est plus sur une particule isolée mais qu'on ajoute des particules les unes avec les autres et qu'on arrive à l'échelle macroscopique, eh bien les lois de la physique ne s'appliquent plus de la même manière. Comment est-ce qu'on passe de cette physique quantique et de cette dualité onde-corpuscule à la relativité générale? On en parle dans un instant. Quelques notes de Sidney Bechet à 16h35 sur France Culture Copenhagen, parce que nous n'en avons pas encore parlé, mais ça ne va pas tarder. Nous allons parler de l'interprétation de Copenhague dans, eh bien, cette transition entre la nature quantique du réel et sa nature relativiste. C'est ce dont nous parlons aujourd'hui avec Alexia Ofev, qui est directrice de recherche CNRS à l'Institut Néel de Grenoble, et Michel Bitbol, qui est directeur de recherche émérite au CNRS en philosophie des sciences aux archives USOL de l'École normale supérieure. Peut-être un mot d'ailleurs, avant de passer au reportage du jour sur l'interprétation de Copenhague. Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce que c'est exactement que cette interprétation de Copenhague, Michel Bitbol? Alors, l'interprétation de Copenhague a été nommée ainsi parce que elle a été en grande partie élaborée et initiée par Bohr, Niels Bohr, physicien danois résidant à Copenhague. Alors, l'interprétation donc qui a été adoptée dans le groupe, dans le cercle de Bohr, considère que la fonction d'onde, justement, n'est pas la description d'une réalité intrinsèquement existante, comme le voulait essentiellement Louis de Broglie en associant son onde de matière au corpuscule, et encore moins Erwin Schrödinger en 1926 lorsqu'il déclarait que la seule chose qui existait vraiment autour du noyau d'un atome, c'était une onde qui représentait l'électron. Eh bien, pour les gens de Copenhague, c'est plus du tout pareil. Il s'agit de dire que la fonction d'onde représente la probabilité de trouver une particule, d'observer une particule. Et pour Niels Bohr, il était très important de comprendre que beaucoup des choses, des traits, des déterminations qu'on attribue à la nature, à la réalité, sont en vérité des déterminations qui sont relatives à nos appareils de mesure. Et il imaginait d'ailleurs le concept de complémentarité, qui est l'un des concepts centraux de l'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique. Qu'est-ce que la complémentarité ? Eh bien, c'est l'idée selon laquelle on ne peut pas dire qu'un objet soit à la fois onde et corpuscule, mais on peut dire que sous certains aspects et avec certains instruments, on va mettre en évidence des comportements ondulatoires de l'objet, alors qu'avec d'autres instruments et dans d'autres contextes, on mettra en évidence des aspects corpusculaires de l'objet. Donc c'est ça la complémentarité onde-corpuscule au sens de Bohr. Vous voyez que c'est pas tout à fait la même chose que la dualité onde-corpuscule de Louis de Broglie. C'est-à-dire de considérer finalement que la particule et l'objet de mesure forment un système qui va déterminer la mesure elle-même. La mesure est cruciale ici, absolument cruciale. C'est elle qui décide, et ce n'est pas, si vous voulez, une préconception de l'objet qui aurait sa vie propre, qui aurait ses propriétés intrinsèques, etc. Alors, on a vu et on va voir hein, dans la suite de cette émission que la réduction de la fonction d'onde pose de nombreuses questions théoriques, mais on va voir également, comme je le disais tout à l'heure, qu'elle a aussi des conséquences tout à fait pratiques sur les applications de la physique quantique, notamment en informatique. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est la question que vous vous êtes posée, que faire de la rencontre entre décohérence et qubits? C'est la question que j'ai posée à Frédéric Grossan, qui est chargé de recherche CNRS au sein du laboratoire de recherche en informatique, le LIPSIS, à Sorbonne Université. Il est par ailleurs co-directeur du Centre d'information quantique. En tant que théoricien, Frédéric Grossan travaille sur l'information quantique et la mise au point d'analogues quantiques d'Internet. Il nous explique son rapport au postulat de la réduction du paquet d'ondes, un postulat qui, selon le chercheur, est à la physique quantique ce que les consonnes et les voyelles sont à l'écriture poétique. Les principaux thèmes de recherche, c'est l'information quantique et notamment la cryptographie quantique, les communications quantiques, comment envisager des réseaux quantiques, des analogues quantiques d'Internet dans un futur plus ou moins lointain. Le thème de notre émission, c'est le postulat de la réduction du paquet d'ondes. C'est un postulat qui infuse un petit peu partout dès qu'on parle de mécanique quantique. J'aimerais savoir sous quel angle vous abordez ce postulat-là dans le cadre de vos recherches, si toutefois vous l'abordez. On ne l'aborde pas en tant que tel, il fait partie des bases du formalisme. On n'en parle jamais, on sait que quand on fait une mesure, il se passe ça. Enfin non, on ne l'aborde jamais directement, pardon. Après, pour moi, le postulat de la réduction du paquet d'ondes, c'est un artefact du formalisme. Quand je décris l'état d'un système quantique, je vais en faire une description classique. Avec mon crayon sur une feuille de papier ou autre, c'est un objet classique qui ne correspond pas aux objets quantiques. Donc c'est ce qu'on appelle dans notre jargon, en fait, une théorie à variable locale cachée. Et il y a des choses bizarres qui se passent en termes d'intrication, qui sont des choses bizarres, qui se passent presque sur le formalisme. On a l'impression que les choses changent instantanément à distance. Or, elles ne changent pas instantanément à distance. Et quand on fait les calculs précis, comme par hasard, ça change à distance, mais juste ce qu'il faut pour empêcher une transmission d'informations. Donc il y a autre chose. Alors on comprend ce qui se passe en termes de formalisme, de manière technique, mais derrière, c'est des choses qu'on peut utiliser en information quantique. Par exemple, j'ai une collègue, Elam Kachefi, qui l'utilise beaucoup dans l'hypothèse pour vérifier le fonctionnement d'un ordinateur quantique. Donc dans un futur où des ordinateurs quantiques existent, on veut acheter un calcul fait par un ordinateur quantique, mais on ne fait pas confiance à l'ordinateur quantique. Et un moyen de vérifier ce qu'il fait, en fait, c'est de leur envoyer des états intriqués de manière chiffrée, de manière à ce qu'ils ne savent pas exactement ce qu'ils font, et à vérifier des corrélations qui surgissent. Et la réduction du paquet d'ondes intervient en quelque sorte, parce que si c'était des ordinateurs classiques, là, la description classique s'appliquerait, et pour avoir ça, ils devraient avoir une espèce de communication instantanée. Et en matière de cryptographie quantique, un autre sujet aussi que vous abordez, est-ce que ce postulat-là a une place particulière ou pas vraiment ? Enfin, c'est... Il a toujours une place, c'est ça ? Il a toujours une place. C'est comme si je demandais à un écrivain si la différence entre voyelles et consonnes avait une place particulière. C'est dans le langage de la physique quantique. Mais effectivement, en cryptographie quantique, la réduction du paquet d'ondes dépend de la mesure, et donc c'est un moyen aussi d'encoder le fait qu'en physique quantique, une mesure perturbe le système, et c'est quelque chose qui est essentiel en cryptographie quantique pour vérifier que l'on est espionné ou pas, effectivement. Et ce qui m'intéresse, c'est que l'information quantique, pour moi, a changé, ou a rajouté une nouvelle manière d'aborder la physique quantique, et l'information quantique a apporté quelque chose d'opérationnel, de dire, est-ce que je peux transmettre un message secret ? Est-ce que je peux transférer... Alors, pas forcément pratique. Enfin, la cryptographie quantique, actuellement, est à la limite d'être économiquement rentable. Mais pour un physicien, c'est pas vraiment important. Ou les ordinateurs quantiques, on ne sait pas encore en fabriquer. Mais il y a quelque chose, on dit, OK, en théorie, on pourrait faire une machine comme ça, et ça pourrait marcher. Donc, ça nous amène à nous poser des questions vraiment très opérationnelles, très concrètes. Et donc ça remet ces interrogations de nature quasi philosophique dans un contexte vraiment scientifique, physique, et on peut utiliser nos outils habituels pour jouer avec et essayer de voir de ce côté-là. Et il y a par exemple donc des travaux qui sont plus si récents que ça, mais il y a eu tout un renouvellement des théories des fondements de la physique quantique où il y a une question qu'on se pose, que beaucoup de physiciens se posent, c'est pourquoi la physique quantique est comme ça. C'est un formalisme mathématique assez simple, si on connaît l'algèbre des espaces de Hilbert, etc. Mais physiquement, on n'a pas, pour une théorie paradoxale, la relativité. En relativité restreinte ou aussi générale, il y a un raisonnement simple. On part de tel postulat, la vitesse de la lumière est finie, on avance, et on retrouve des conséquences bizarres sur l'écoulement du temps, mais on a un raisonnement qui nous amène jusque-là. Là, le postulat de base de la physique quantique, c'est l'état de mon système est décrit par un vecteur dans un espace de Hilbert, et quand je mesure, il y a une réduction du paquet d'ondes avec telle probabilité. D'où ça vient, on ne sait pas. C'est le fameux « shut up and calculate ». D'où ça vient, on ne sait pas, et ça reste cohérent, et on peut calculer à partir de là. Il y a eu, il y a quelques années, toute une réflexion, en mettant certains postulats logiques, essayant de trouver quel type de théorie serait possible en termes de probabilité ou autre, et effectivement, dans un certain nombre de cas, on trouvait que deux théories possibles, mais il y a toujours... Le raisonnement n'est pas aussi simple que pour la relativité, et il y a toujours un postulat qui est un peu ad hoc pour retrouver actuellement. Voilà, une tentative d'illustration pratique d'une application informatique de ces problèmes ou de ces questions soulevées par celle de la réduction du paquet. Donc, d'une réaction à ce que vous venez d'entendre, Alexia Aufèvre. C'est super que vous ayez interviewé Frédéric. C'est effectivement un des chantres de l'avènement de la communication quantique, enfin exploiter la mécanique quantique pour rendre les communications plus secrètes. Après, j'ai une réaction sur la dernière partie de son discours où il dit qu'en fait ça reste effectivement une tâche dans le champ de la mécanique quantique qui s'appelle les fondements de la mécanique quantique. Mmh. On n'essaye pas d'exploiter la mécanique quantique pour fabriquer des nouvelles technologies, mais on essaye vraiment de voir si par exemple des postulats de la théorie quantique peuvent être déduits d'autres postulats, donc réduire le nombre de postulats qui ont été posés par l'école de Copenhague. Et effectivement, là, c'est encore un champ de recherche en soi Est-ce qu'on va pouvoir, par exemple, éliminer le postulat de la mesure, donc de réduction du paquet d'ondes, en travaillant sur un modèle du monde et une évolution unitaire, ou est-ce que, au contraire, on ne pourrait pas dire que les évolutions unitaires sont des sous-produits du postulat de la mesure, ce qui est une approche qu'on peut défendre aussi. Donc ça reste en fait encore du domaine interprétatif. Donc il y a beaucoup de travail technique, mais en même temps, ce sont des écoles qui s'affrontent et on en est encore presque au débat métaphysique. Mais justement, actuellement, il n'y a pas encore d'expérience qui permette de déconvoluer les différentes approches proposées. On va en arriver au débat métaphysique parce qu'il est effectivement assez vertigineux, assez passionnant. Mais peut-être pour transitionner vers ce débat métaphysique, peut-être pourrait-on transitionner vers le macroscopique déjà, Michel Bidbel. Qu'est-ce que si on revient à cette transition justement physique quantique, physique classique, que dit la décohérence, plutôt la décohérence à ce propos, que la réduction du paquet d'ondes sur cette transition. Alors, effectivement, il faut faire attention à ça, parce que si vous considérez que la fonction d'onde décrit la réalité des choses, et en particulier la réalité des particules, vous allez considérer que sa décohérence, c'est-à-dire sa perte de nature ondulatoire, est un processus réel du monde. Par contre, si vous considérez que la fonction d'onde est simplement un moyen de calculer des probabilités de trouver des impacts de quelque chose sur un écran ou des résultats de mesure dans un appareil... Comme le dit l'interprétation de Copenhague. Par exemple, et peut-être encore plus certaines interprétations contemporaines comme le quantum bayésianisme, c'est-à-dire le bayésianisme quantique... Eh bien, dans le deuxième cas, évidemment, la décohérence n'a plus du tout la même signification. Elle n'a plus la signification d'un processus réel, mais d'un processus simplement de modification des prévisions qu'on peut faire sur le monde. Et évidemment, comme les prévisions en question sont toutes rendues cohérentes par le formalisme quantique, elles sont généralement bien corroborées par les expériences. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose toujours à penser au sujet de l'interprétation sous-jacente de la fonction d'onde. Il ne faut pas tout de suite considérer, par exemple, comme l'ont fait un certain nombre de physiciens, que la décohérence est un processus réel et qu'elle explique, entre guillemets, comment on passe d'un monde qui semble régi par les lois de la physique quantique à un monde qui est régi par les lois de la physique classique. C'est un peu plus intéressant, plus subtil et plus profond que ça. Alexia Ofev, là-dessus ? Ouais, donc je peux compléter sur une autre problématique qui est posée par la transition micro-macro que vous évoquez dans votre question. Au moment de l'écriture de la théorie quantique, il y a eu un autre contributeur qui était von Neumann et qui a cherché à décrire de façon unitaire, en utilisant l'équation de Schrödinger, tout simplement, le processus de la mesure, et ce pour essayer d'éliminer ce postulat de la mesure un petit peu encombrant. Et ce faisant, en fait, il a décrit la mesure comme étant une intrication. C'est-à-dire, si j'imagine maintenant que je reviens à mon expérience des fentes d'Young, donc j'ai mon photon qui passe par la fente du haut ou par la fente du bas, et si au lieu d'utiliser un appareil de mesure classique, qu'on évoquait tout à l'heure, je choisis maintenant de modéliser mon appareil de mesure de façon quantique, et je décris tout par l'équation de Schrödinger, la dynamique de mon photon et de mon système et de mon appareil de mesure quantique. En fait, on va avoir un phénomène très rigolo qui est dû à la linéarité de l'équation de Schrödinger. Et ce qui se passe, c'est que si mon photon passe par la fente du bas, mon appareil de mesure quantique va, mettons, pointer vers le bas. C'est une aiguille quantique qui pointe vers le bas. Si mon photon passe par la fente du haut, mon aiguille de mesure quantique va pointer vers le haut. Et si mon photon passe à la fois par les deux fentes, je vais fabriquer ce qu'on appelle un état intriqué entre le photon et l'aiguille quantique, où on va avoir le photon qui passe par la fente du haut et l'aiguille qui pointe vers le haut, et en même temps le photon qui passe par la fente du bas et l'aiguille qui pointe vers le bas. Et ça, c'est valable si on applique la théorie quantique telle qu'elle est écrite dans les manuels de cours, C'est valable, a priori, quelle que soit la taille de l'aiguille. Et typiquement, on arrive à fabriquer ces superpositions macroscopiques d'état de l'appareil de mesure, qu'on peut aussi appeler chat Schrödinger, et qui sont ces inconsistances apparentes de la théorie que les fondements de la mécanique quantique essayent de résoudre. Donc, la réalité de la fonction d'onde, c'est effectivement un problème, comme l'a souligné Michel Bidbol. Cette question de où est-ce qu'on doit arrêter l'évolution unitaire et à quel moment on applique le postulat de la mesure, ce qu'on appelle le cut, c'est un autre problème qui est extrêmement vif. C'est encore vivant et ça a 100 ans. Quoi. Michel Bidbol, vous voulez réagir ? Oh oui, tout à fait. C'est vraiment très intéressant ce que vient de dire Alexia Ofev et on peut rebondir là-dessus. C'est-à-dire que selon les interprétations là aussi de la fonction d'onde, on peut tirer des conclusions complètement différentes de l'expérience de pensée que vient de poser Alexia. Supposons qu'on considère que toute la réalité est décrite par la fonction d'onde. Par exemple, la fonction d'onde gigantesque et intriquée qui unit le comportement des photons et le comportement de l'appareil de mesure qui est tantôt avec une aiguille en haut et tantôt avec une aiguille en bas, eh bien alors, tout se passe comme si, et certains interprètes de la mécanique quantique l'ont dit, tout se passe comme si il y avait un monde dans lequel le photon est passé par le haut et l'aiguille pointe vers le haut, et un autre monde où le photon est passé par le bas et l'aiguille pointe vers le bas. Donc vous voyez jusqu'où on peut aller quand on est, entre guillemets, réaliste au sujet du statut de la fonction d'onde. Ce que vous évoquez là, Michel Bidbol, c'est la théorie d'Everett, hein, c'est la théorie des états relatifs, exactement, ou la théorie des mondes multiples. Exactement. Et alors par contre, si vous n'accordez pas tout ce poids de réalité à la fonction d'onde, si vous considérez que c'est seulement un outil de calcul des probabilités, alors là, la signification de l'intrication est complètement différente. La signification de l'intrication, c'est simplement que, pour l'instant, personne n'a regardé cet appareil de mesure, et donc personne n'a d'informations sur le couple de variables photon passé vers le haut ou vers le bas, et appareil pointant vers le haut ou vers le bas. Vous voyez, donc là, on a une interprétation profondément différente. Mais alors, si c'est une question que je souhaiterais vous poser à tous les deux, c'est que là, pour le moment, donc puisqu'on est évidemment dans le registre théorique, on parle d'une particule dont on essaie de déterminer la nature, la position ou la vitesse, et donc que l'on peut réduire, dont on peut réduire, comme on l'a dit, le fonction ou le paquet d'ondes. Mais en l'occurrence, aucun système quantique dans l'univers que nous connaissons ne peut vraiment être considéré comme un système isolé. Or, si on considère les systèmes quantiques comme des systèmes en interaction avec leur environnement, eh bien à ce moment-là, la probabilité d'observer un état superposé tend rapidement vers zéro si on prend l'intégralité des systèmes quantiques mis les uns avec les autres, Michel Bidbol. Oui, tout à fait. Alors effectivement, ça c'est quelque chose de connu, c'est-à-dire que dans le processus de décohérence, c'est-à-dire dans la perte, si vous voulez, des effets ondulatoires qui se produisent lorsque, par exemple, vous envoyez un photon à travers cet interféromètre dont a parlé Alexia, eh bien, ce qui se passe, c'est que vous ne pouvez plus avoir quelque chose comme un comportement ondulatoire. Mais à cause justement de l'interaction avec l'ensemble de l'environnement. Mais d'autres interprètes de la mécanique quantique ont imaginé, alors c'est le cas par exemple de Roger Penrose qui vient d'obtenir, vous savez, le prix Nobel. Absolument. Pour les trous noirs. Pour les trous noirs et non pas pour la physique quantique, c'est très important. Bon, pour lui, les choses sont encore plus dramatiques que ça. C'est-à-dire que l'environnement global d'un système physique comme un photon, et en particulier les champs gravitationnels qui l'environnent, sont susceptibles de brusquement prendre la décision pour lui, c'est-à-dire la décision de passer vers le haut ou vers le bas. C'est ce qu'il appelle la réduction objective spontanée du paquet d'ondes. Mais, et là je vous donne le fin mot de l'histoire, tout récemment, en 2020, dans un article de Nature, des auteurs ont montré que cette interprétation de Penrose, selon laquelle le champ gravitationnel décrit par la relativité générale était capable de réduire brusquement le paquet d'ondes des photons, ou d'autres petites particules, cette interprétation ne peut plus être soutenue. Il y a une expérience qui réfute cette théorie émise il y a quelque temps par Roger Penrose. On va essayer de vous retrouver ça pour vous mettre le lien vers le fil Twitter, parce qu'il nous reste, à mon avis, pas assez longtemps pour expliquer les tenants et les aboutissants de cette étude qui a l'air pourtant passionnante. Peut-être un mot de conclusion, Alexia Ofev, là-dessus, parce que vous avez vous-même développé, mais alors c'est difficile parce qu'il reste vraiment très peu de temps avec Philippe Grangier. Il va falloir réinviter. Il va falloir recommencer. Non, mais vous savez quoi, on va refaire une émission complète sur la réalité des pantelles de l'observateur, parce que là on va pouvoir étendre un peu, mais on va essayer de conclure sur le passage du micro au macro, et par rapport à ce que vient de dire Michel Bidbol et la question que je lui posais sur cette question finalement de l'interaction avec l'environnement, qu'est-ce que vous en dites, vous, et comment est-ce que vous la comprenez ? Oui, alors, vous mentionnez qu'on a effectivement, avec Philippe Grangier, qui est basé à l'Institut d'Optique, qui a participé à la violation des inégalités de Bell avec Alain Aspect en 82, et Naïla Farouki, qui est une philosophe qui travaillait au CEA de Grenoble. On a une approche où en fait on propose, puisqu'il reste même pas un bout de minute, je vais juste prendre une page. Oui. En général, les gens essayent de comprendre les choses du micro au macro par analogie avec ce qui se passe en physique statistique, en fait, où on fait émerger des niveaux de réel en faisant des moyennes successives et ce qu'on appelle du coarse graining. Et nous, ce qu'on propose, c'est d'aller du macro au micro, en fait. Donc, on a un monde classique qui est toujours déjà là. Et on peut montrer qu'en fait, on a une ontologie de la nature quantique qui se pose assez naturellement à partir d'expériences, à partir d'une phénoménologie quantique de base. Voilà, c'est l'approche TSM comme contexte, système, modalité. J'espère avoir le temps un jour de vous en parler plus. Mais oui, il faudra. Parce que c'est vrai que malheureusement, on arrive un peu sur la fin de cette émission et c'est assez passionnant. Mais en même temps, c'était le reste. Peut-être vous pouvez nous en dire un tout petit mot rapidement pour essayer de nous expliquer comment c'est en fait une forme d'ontologie qui se distingue de l'interprétation classique. Oui, tout à fait. L'idée de base, c'est que pendant toute cette heure, là, on a parlé de fonction d'onde. Et donc, fonction d'onde, ça serait un objet mathématique qui caractériserait l'état d'un système quantique. Et ce qu'on remet en question dans cette vision des choses, qui est bien répandue, c'est que, en fait, en mécanique quantique, la bonne ontologie, ce n'est pas d'attribuer des états à des systèmes seuls, mais c'est d'attribuer des états à des systèmes et leur contexte environnant. Que ça soit l'appareil de mesure, que ça soit l'environnement de la décohérence, et que les propriétés physiques du système sont en fait des propriétés physiques du système et de son contexte. Mmh. Donc on parle d'objectivité contextuelle. Bon, voilà. Allez, on est malheureusement obligé de s'en tenir là, mais je vous promets de vous réinviter tous les deux parce que c'était passionnant et on posera plus généralement encore une fois la question de la nature de la réalité et de la nature de l'observateur de la réalité. On essaiera d'élargir un peu cette question et ces questions qui sont absolument passionnantes. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci Alexia Ofev, merci Michel Bidbol d'être venu nous parler de cette réduction du paquet d'ondes. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Natacha Triou, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Eve Etienne, François Malordi, Olivier Bétard à la réalisation, Élise Le à la technique. Demain, nous reviendrons sur le fléau des microplastiques dont on sait qu'ils sont partout, mais dont on découvre de nouvelles sources sans cesse, à tel point que l'on considère désormais qu'ils ont contaminé absolument tous les recoins du globe, des océans aux glaciers d'Antarctique ou du Groenland, de votre potager jusqu'à l'air ambiant des grandes villes. Microplastiques, ils sont absolument partout et on en parle donc demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.